Activité 4C. 1. Qu'est-ce que vous faites ce jour-là? 2. Vous faites quoi ce jour-là? 3. Vous passez les fêtes avec qui? 4. Avec qui est-ce que vous passez les fêtes? 5. Vous passez les fêtes où? 6. Où est-ce que vous passez les fêtes? 7. Pourquoi est-ce que vous travaillez? 8. Vous travaillez pourquoi? 9. Combien est-ce que ça coûte? 10. Ça coûte combien? 11. Vous offrez quoi? 12. Qu'est-ce que vous offrez?